Section numéro 15 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Charlotte. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades. 1095 jusqu'à 1270, publié par Ernest Lavisse et Alfred Rombaut. Chapitre 4. La papauté, l'Allemagne et l'Italie. Henri VI et Frédéric II. De 1190 à 1268. Première partie. Le règne de Henri VI par Charles Baillet. Henri VI et le royaume de Sicile. Par certains traits de son caractère, le fils de Frédéric Barberousse rappelait son père. Comme lui, il était brave, ambitieux, opiniâtre. Mais il avait l'âme plus basse. Il se plaisait aux fourberies. Avide de vengeance, il se livrait aux plus odieuses cruautés, non dans un accès de violence soudaine, mais froidement et par système. Obligé en Allemagne de ménager ses ennemis, dans l'Italie qu'il prétendait asservir tout entière, il voulut gouverner par la terreur et récolta la haine. La politique de Henri VI est en effet tout orientée vers l'Italie, puis vers l'Orient. Son père l'a marié en 1186 à Constance, de 10 ans plus âgée que lui, tante du roi de Sicile, Guillaume le Bon. Or, Guillaume le Bon, qui n'a point d'enfant, a fait promettre à ses barons de reconnaître pour souverains Constance et Henri. 3 ans après il meurt, novembre 1189, Henri, qui n'est encore que régent en l'absence de son père, se jette sur ce riche héritage. Henri le Lion, profitant de ce que Frédéric était loin, avait essayé de reprendre la Saxe. Puis un traité intervient, 1190. Henri le Lion ne l'observe guère. N'importe, la préoccupation du jeune roi est d'être libre d'agir en Italie. Cependant, les Normands, que Guillaume le Bon lui avait livrés, n'entendent pas se donner. À Palerme, un bâtard du duc Roger, frère de Constance, le vaillant Tancrède di Lecce, est proclamé roi. Henri VI fait une première expédition. Au cours du voyage, il apprend la mort de son père, se fait couronner empereur par le pape Célestin III. Pour que la cérémonie pût avoir lieu, il livra aux Romains Tivoli, qui s'était confié à lui. Les Romains traitèrent cruellement leur vieil ennemi, mais un chroniqueur allemand avoue que, par cette trahison, Henri ne déshonora pas médiocrement l'Empire. Puis il se dirige vers le sud, mais échoue devant Naples. 1191. Il y eut un moment où cette question de l'héritage des rois normands fut comme le centre autour duquel tournait toute la politique du monde chrétien. Le pape, bien qu'il eût couronné Henri, se sentait dangereusement menacé. En dépit des protestations de Rome au sujet de l'héritage de Mathilde, Henri VI organisait activement l'administration impériale dans l'Italie centrale. Que deviendrait le pape le jour où l'empereur, maître en outre de l'Italie du Sud, l'enserrerait comme dans un étau? Aussi avait-il approuvé l'élection de Tancrède et l'avait-il investi de la Pouille, de la Calabre et de la Sicile. Si le vieil Henri le Lion se tenait à peu près tranquille, son fils, Henri de Brunswick, s'alliait avec Tancrède. En même temps, il groupait en Allemagne tous les mécontents. À ce point que, d'après un analyste, les Allemands parlaient de créer un autre roi. Derrière Henri et Tancrède se trouvait le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, frère de Jeanne, la veuve de Guillaume le Bon, beau-frère de Henri le Lion. Il appuyait à la fois en Italie et en Allemagne les ennemis de Henri VI. Par une réaction naturelle, le roi de France, Philippe Auguste, se portait du côté de l'empereur. Toute une série d'événements imprévus sauvèrent Henri VI. Au retour de Palestine, Richard Cœur de Lion, livré par le duc d'Autriche, devint le prisonnier de l'empereur. À Worms, juin 1193, il fut obligé de se déclarer l'homme de l'Empire romain, de remettre à Henri VI l'Angleterre et ses autres domaines et de le recevoir de lui en fief. Encore ne fût-ce qu'au mois de février 1194 que celui-ci le mit en liberté. Mais en l'excitant et en le déchaînant avec une perfidie insigne contre le roi de France. D'autre part, Henri de Brunswick, amoureux d'une cousine de l'empereur, faisait la paix avec lui. La coalition allemande se désorganisait sans peine. Du coup, le malheureux Tancrède était isolé. Il mourait, février 1194, ne laissant qu'un enfant de 3 ans. En quelques mois, la conquête de l'Italie du Sud et de la Sicile fut achevée. Le pays fut impitoyablement pillé, les tentatives de conspiration réprimées avec une férocité telle que des malheureux furent écorchés vifs. Dans le centre de l'Italie, revenant sur les concessions qui avaient été faites à la papauté, Henri attribue à son frère Philippe la Toscane et les domaines de la comtesse Mathilde. Dans le nord, à la Ligue lombarde, il oppose une ligue de villes impériales. Le projet de conquête de l'Orient. Jamais l'Empire n'avait paru plus redoutable. Pourquoi donc à l'Occident ne joindrait pas l'Orient? Frédéric Barberousse y avait songé lorsqu'il traversait l'Empire grec. À Palerme, Henri VI avait mis la main sur la fille de l'empereur Isaac l'Ange, Irène. Elle était veuve du fils aîné de Tancrède di Lecce, Roger, mort avant son père. Il l'avait jugée de bonne prise et l'avait fait épouser à son frère, Philippe de Souabe. Puis, sous couleur de défendre son nouveau parent, Isaac l'Ange, il avait expédié à Constantinople des aventuriers allemands. Ses projets étaient manifestes. Les chroniqueurs occidentaux et orientaux en parlent également. Déjà en 1194, il a envoyé des ambassadeurs au roi d'Arménie pour lui demander de reconnaître sa suprématie. Le roi de Chypre, Amaury de Lusignan, déclare qu'il est le vassal de l'Empire romain. Toutefois, hypocritement, Henri couvre ses ambitions du prétexte de la croisade. Avant de partir, il songe à transformer le pouvoir impérial en le rendant héréditaire. En avril 1196, à la diète de Wurtzbourg, il voulut, selon les expressions d'un écrivain de ce temps, faire confirmer par les princes un décret nouveau et dont on n'avait jamais ouï parler, en vertu duquel, dans l'Empire romain comme en France et dans les autres royaumes, les rois se succéderaient par droit héréditaire. Par des menaces ou des promesses, il gagna quelques adhésions, mais, quand il fut au-delà des Alpes, les princes se réunirent à Erfurt pour protester. À la fin de 1196, il était dans le sud de l'Italie, tout absorbé par ses projets contre l'Empire grec, lorsque tout à coup le pays se soulève. Exaspéré par la tyrannie de l'empereur, par les exactions des Allemands qu'il a partout établies, clergé, noble, peuple veulent massacrer Henri VI et les étrangers. L'impératrice Constance elle-même, sicilienne de cœur, prenait en pitié ses malheureux compatriotes. Elle était, disait-on, du complot. Furieux de voir ses projets troublés, Henri VI réprime l'insurrection avec une horrible cruauté. Les conjurés sont sciés en deux, ou brûlés à un feu de bitume, ou enterrés vivants. Leur prétendant, Giordano, est couronné d'un diadème de fer rouge. De nouveau, le pays se courbe sous le joug. Les croisés affluaient dans le port de l'Italie. Les préparatifs de départ étaient achevés. Cette fois, ce fut la mort qui vint arrêter Henri VI. Septembre 1197. Par une étrange ironie, Lui qui avait voulu assurer l'hérédité de l'Empire ne laissait qu'un enfant en bas âge, et à sa succession allait déchaîner la guerre et l'anarchie. Fin de la section 15.